vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos vibrations, dans les vibrations divines, dans les vibrations archangéliques. Dans les vibrations de Michael. Nous nous réjouissons en ces instants de vous transmettre ce message. Ces quelques mots sur ce thème amour inconditionnel. Vous savez, nous sourions lorsque nous entendons tous ces concepts d'amour inconditionnel, ces définitions. Et nous nous questionnons, l'amour, cet amour qui est tout, qui est la matière en fusion, produisant la lumière, cet amour qui est tout, qui est à la fois partie, qui est création, qui est universalité. Cet amour qui englobe en lui-même ces concepts que le matériel, ni même l'immatériel, le monde dont nous sommes issus, en rapport à vous, humains, emprisonné dans votre densité de la matière, eh bien nous vous le disons, nous ne le définissons point, car vous savez, lorsque nous posons des mots, nous encadrons une réalité, un état qui, de par son essence, les repousse toutes, les repousse tous. Ainsi l'amour peut-il être autrement qu'inconditionnel? Nous vous le demandons. L'amour conditionnel est-il amour? Car il est limite. Il est juge. Il se quantifie, il s'évalue, telle une marchandise. Est-ce là l'amour? Dites-nous-le. Lorsque nous mentionnons et nous puisons dans vos mémoires l'amour parental, l'amour d'une mère, que l'on dit inconditionnel, car peu importe les circonstances, peu importe les mots, les émotions, cet amour demeure, car il est amour, qu'il soit dans la condition ou non, inconditionnel ou non, l'amour est l'amour. L'amour est infini. L'amour est universel. L'amour est cosmique. Ainsi, nous sommes là à chercher, à poser des mots sur ce concept. Toutefois, nous n'en ferons point. Nous savons que cet amour qui est la source, eh bien, il est. Et ainsi, respirez-le. Inspirez et expirez cet amour. Cet amour présent. Toute la création est au-delà de celle-ci, car la création en constant mouvement, la création à l'image de l'amour, est un état, l'état produit par le Créateur, par l'amour. L'amour est une clé fort puissante. Ainsi, baignez dans cet amour, demandez à cet amour de vous envelopper, de vous accompagner, d'émaner en vous et vous de le rayonner. Ainsi, nous avons complété. Nous vous remercions de tous ces pas que vous faites, de ce cheminement qui parfois est ardu et qui pourtant fait partie de votre vie et qui se trace devant vous et que, pas après pas, vous entamez, vous progressez. Et certes, l'amour vous y accompagne, car ce chemin est celui de l'amour. Ainsi, nous vous saluons et nous vous remercions.